Mille et un jours en prison à Berlin. Livre audio gratuit. Un roman du docteur Henri Bellan. Lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.common. À ma vieille mère, en témoignage de filiale et respectueuse affection. Avant-propos. Depuis son retour d'Allemagne, l'auteur a reçu de tous les coins du Canada et de plusieurs endroits des États-Unis d'innombrables invitations pour conférences, discours, etc. À peu d'exceptions près, il lui a été impossible naturellement d'accéder au désir si chaleureusement exprimé de part et d'autre. D'un autre côté, un grand nombre de personnes, dont il s'honore de l'amitié, lui ont fortement conseillé de publier, sous une forme quelconque, quelques mémoires et de son séjour en Belgique, c'est-à-dire depuis son mariage à Capellen, près d'Anvers, en 1914, jusqu'à son arrestation en 1915, et de sa captivité en Allemagne les années subséquentes. C'est pour satisfaire aux désirs des uns et aux conseils des autres qu'il offre au public la narration écrite à la diable qui suit. Si l'on cherchait de la philosophie, un effort littéraire, des considérations d'ordre politique ou social, ou même des jérémiades, on serait déçu. L'auteur n'a eu d'autre intention que celle de relater sans effort et sans prétention des incidents et des événements, cocasses, indifférents ou tristes, auquel il a été mêlé, de faire voir superficiellement ce qu'est la vie d'un prisonnier de guerre derrière des murailles élevées sous la garde médiate ou immédiate de Prussiens authentiques. Là s'est borné son effort. Signé H.B.